Ah, le texte par écrit par Toto Cutugno pour Dassin n'a plus rien à voir avec l'original. Alors bonjour, est-ce que tu m'entends? Donc tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Tu peux même légèrement monter ton son, il n'y a pas de problème. Pourquoi je reviens? Les joies de l'informatique. Non, j'entends pas la guitare. Ça dépend si tu passes par une table de mixage. En USB, il faut faire gaffe, il n'y a que deux sorties qui vont sur Ninjam. Donc les deux premières entrées, en principe. Moi non plus, j'entends. Ouais, mais là, c'est encore, si tu veux, c'est encore plus compliqué. Je sors de la guitare, je rentre dans un V-Amp Pro de Behringer. Je ressors donc sur une table de. Enfin, pas sur une table, mais sur une carte son, une ESP-10, ouais. Là, avec plein d'entrées-sorties. Et après, en fait, il faut que je fasse du mixage de bus avec l'ordinateur, quoi. Donc. Ah ouais. Mais normalement, tu dois voir, si ta carte son est en USB, tu n'as que la sortie, enfin les deux entrées principales qui vont sur Ninjam. C'est pas comme un logiciel comme Cubase ou autre, Ninjam ne gère que deux lignes. Non, elle n'est pas en USB. J'ai un gros câble entre les deux, si tu veux. J'ai une carte PCI dans l'ordinateur et un rack déporté avec 10 entrées et 10 sorties. Ah d'accord, tu rentres directement dans l'entrée ligne. Ah ouais. En fait, si tu veux, le V-Amp, je sors de la guitare. Oui, alors que moi, je rentre, j'ai une table de mixage Alexis USB 8, là. Dans le rack déporté. Je suis dans un restaurant, là, actuellement. Donc, Ouais. Ah ouais, c'est un sacré bordel. D'accord. Et t'as pas de monde, j'espère, t'as pas de monde devant toi, parce que si je joue... Ouais, parce que si je joue, ils vont partir, hein. Tu vas avoir des clients en moins. Non, j'ai fermé là. Bon, ça va. Parce que si je fais ça, moi je dois m'entendre, mais toi. Bah essaye, hein. Bah là je joue, hein. Enfin je joue entre guillemets, quoi. Je fais un peu n'importe quoi avec la main gauche et pendant que la main droite elle bouge avec le son. J'entends strictement rien. Alors, sur Ninjam, là, mets-toi sur Custom Alors, Mixer. Tu as deux lignes. Alors, attends, où est-ce que tu vois ça? Juste après dans Local Channel, juste après ton intitulé ou ce que tu as mis, tu as plus loin les sélections possibles, line 1, line 2, enfin, tu as d'autres possibilités suivant ce que tu as, toi, comme matos. Les sélections possibles, line 1, line 2. D'accord, Custom Mixer, alors je sais pas si tu... Oula, là, si je pousse trop, ça sature. Mais j'ai pas de retour, si tu veux. J'ai le retour de mon micro, je m'entends dans mes enceintes. Je t'entends toi aussi, mais j'ai pas de... Ma guitare sort pas. Bah, là, tu as deux lignes que tu peux régler. Ah ouais, joue au casque, parce qu'avec les enceintes, tu vas avoir tout de suite du feedback. Ça va tourner en boucle.